Consuelo, livre 1, chapitre 5. Cependant, un violent combat s'élevait dans l'âme de cet heureux amant que l'onde et la nuit emportaient dans leurs ombres tranquilles, éperdu et palpitant auprès de la plus célèbre beauté de Venise. D'une part, Anzoletto sentait fermenter en lui l'ardeur d'un désir que la joie de l'orgueil satisfait rendait plus puissante encore. Mais d'un autre côté, la crainte de déplaire bientôt, d'être raillé et conduit et traîtreusement accusé auprès du comte, venait refroidir ses transports. Prudent et rusé comme un vrai Vénitien, il n'avait pas, depuis 6 ans, aspiré au théâtre sans s'être bien renseigné sur le compte de la femme, fantasque et impérieuse, qui en gouvernait toutes les intrigues. Il avait tout lieu de penser que son règne auprès d'elle serait de courte durée. Et s'il ne s'était pas soustrait à ce dangereux honneur, c'est que, ne le prévoyant pas si proche, il avait été subjugué et enlevé par surprise. Il avait cru se faire tolérer par sa courtoisie, et voilà qu'il était déjà aimé pour sa jeunesse, sa beauté et sa gloire naissante. Maintenant, se dit Anzoletto avec cette rapidité d'aperçu et de conclusion que possèdent quelques têtes merveilleusement organisées, il ne me reste plus qu'à me faire craindre si je ne veux toucher au lendemain amer et ridicule de mon triomphe. Mais comment me faire craindre, moi, pauvre diable, de la reine des enfers en personne? Son parti fut bientôt pris. Il se jeta dans un système de méfiance, de jalousies et d'amertume dont la coquetterie passionnée étonna la prima donna. Toute leur causerie ardente et légère peut se résumer ainsi. Anzoletto. Je sais bien que vous ne m'aimez pas, que vous ne m'aimerez jamais, et voilà pourquoi je suis triste et contraint auprès de vous. Et si je t'aimais? Je serais tout à fait désespéré, parce qu'il me faudrait tomber du ciel dans un abîme, et vous perdre peut-être une heure après vous avoir conquise au prix de tout mon bonheur futur. Et qui te fait croire à tant d'inconstance de ma part? D'abord, mon peu de mérite. Ensuite, tout le mal qu'on dit de vous. Et qui donc médite ainsi de moi? Tous les hommes, parce que tous les hommes vous adorent. Ainsi, si j'avais la folie de prendre de l'affection pour toi et de te le dire, tu me repousserais? Je ne sais si j'aurais la force de m'enfuir, mais si je l'avais, il est certain que je ne voudrais vous revoir de ma vie. « Eh bien, dit la Corilla, j'ai envie de faire cette épreuve par curiosité. Anzoletto, je crois que je t'aime. »« Mais moi, je n'en crois rien, répondit-il. Si je reste, c'est parce que je comprends bien que c'est un persiflage. À ce jeu-là, vous ne m'intimiderez pas, et vous me piquerez encore moins. »« Tu veux faire un saut de finesse, je crois. » Pourquoi non? Je ne suis pas bien redoutable, puisque je vous donne le moyen de me vaincre. Lequel? C'est de me glacer d'épouvante, et de me mettre en fuite en me disant sérieusement ce que vous venez de me dire par raillerie. Tu es un drôle de corps, et je vois bien qu'il faut faire attention à tout avec toi. Tu es de ces hommes qui ne veulent pas respirer seulement le parfum de la rose, mais la cueillir et la mettre sous verre. Je ne t'aurais cru ni si hardi, ni si volontaire à ton âge. Et vous me méprisez pour cela? Au contraire, tu m'en plais davantage. Bonsoir, Anzoletto, nous nous reverrons. Elle lui tendit sa belle main qu'il baisa avec passion. Je ne m'en suis pas mal tiré, se dit-il en fuyant sous les galeries qui bordaient le canaletto. Désespérant de se faire ouvrir à cette heure indue le bouge où il se retirait de coutume, Il songea à s'aller étendre sur le premier seuil venu, pour y goûter ce repos angélique que connaissent seuls l'enfance et la pauvreté. Mais, pour la première fois de sa vie, il ne trouva pas une dalle assez propre pour s'y coucher. Bien que le pavé de Venise soit plus net et plus blanc que dans aucun autre lieu du monde, il s'en fallait de beaucoup que ce lit légèrement poudreux convînt à un habit noir complet de la plus fine étoffe et de la coupe la plus élégante. Et puis, la convenance. Les mêmes bateliers qui, le matin, enjambaient honnêtement les marches des escaliers sans heurter les haillons du jeune plébéien, eussent insulté à son sommeil et peut-être souillé à dessein les livrets de son luxe parasite étalé sous leurs pieds. Qu'eussent-ils pensé d'un dormeur en plein air, en bas de soie, en linge fin, en manchette et en rabat de dentelle? Anzoletto regretta en ce moment sa bonne cape de laine brune et rouge, bien fanée, bien usée, mais encore épaisse de deux doigts et à l'épreuve de la brume malsaine qui s'élève au matin sur les eaux de Venise. On était au dernier jour de février, et bien qu'à cette époque de l'année le soleil soit déjà brillant et chaud dans ce climat, les nuits sont encore très froides. L'idée lui vint d'aller se blottir dans quelque gondole amarrée au rivage. Toutes étaient fermées à clef. Enfin, il en trouva une dont la porte céda devant lui. Mais en y pénétrant, il heurta les pieds du barcarolle qui s'y était retiré pour dormir et tomba sur lui. « Par le corps du diable !» lui cria une grosse voix rauque sortant du fond de cet antre. « Qui êtes-vous et que demandez-vous ? » « C'est toi, Zanetto ?» répondit Anzoletto en reconnaissant la voix du gondolier, assez bienveillant pour lui à l'ordinaire. « Laisse-moi me coucher à tes côtés et faire un somme à couvert sous ta cabanette. »« Et qui es-tu ? » demanda Zanetto. « Anzoletto, ne me reconnais-tu pas ?»« Par Satan, non. Tu portes des habits qu'Anzoletto ne pourrait porter, à moins qu'il ne les eût volés. Va-t'en, va-t'en. « Fusses-tu le doge en personne, je n'ouvrirai pas ma barque à un homme qui a un bel habit pour se promener et pas un coin pour dormir. » Jusqu'ici, pensa Anzoletto, la protection et les faveurs du comte Giustiniani m'ont exposé à plus de périls et de désagréments qu'elles ne m'ont procuré davantage. Il est temps que ma fortune réponde à mes succès, et il me tarde d'avoir quelques sequins dans mes poches pour soutenir le personnage qu'on me fait jouer. Plein d'humeur, il se promena au hasard dans les rues désertes, n'osant s'arrêter de peur de faire rentrer la transpiration que la colère et la fatigue lui avaient causée. « Pourvu qu'à tout ceci je ne gagne pas un enrouement, » se disait-il. « Demain, monsieur le comte va vouloir faire entendre son jeune prodige à quelque sot Aristarque, qui, si j'ai dans le gosier le moindre petit chat par suite d'une nuit sans repos, sans sommeil et sans abri, prononcera que je n'ai pas de voix. Et monsieur le comte, qui sait bien le contraire, dira « Ah, si vous l'aviez entendu hier !»« Il n'est donc pas égal, » dira l'autre. « Peut-être n'est-il pas d'une bonne santé ?»« Ou peut-être, » dira un troisième, « s'est-il fatigué hier ? Il est bien jeune, en effet, pour chanter plusieurs jours de suite. Vous feriez bien d'attendre qu'il fût plus mûr et plus robuste pour le lancer sur les planches. » Et le comte dira « Diable, s'il s'enroue pour avoir chanté deux airs, ce n'est pas là mon affaire. » Alors, pour s'assurer que j'ai de la force et de la santé, ils me feront faire des exercices tous les jours jusqu'à perdre haleine, et ils me casseront la voix pour s'assurer que j'ai des poumons. Oh, diable, la protection des grands seigneurs! Ah, quand pourrais-je m'en affranchir? Et fort de ma renommée, de la faveur du public, de la concurrence des théâtres, quand pourrais-je chanter dans leur salon, par grâce, et traiter de puissance à puissance avec eux ? » En devisant ainsi avec lui-même, Anzoletto arriva dans une de ces petites places qu'on appelle Corti, à Venise, bien que ce ne soit pas des cours, et que cet assemblage de maisons, s'ouvrant sur un espace commun, correspondent plutôt à ce que nous appelons aujourd'hui à Paris « cité ». Mais il s'en faut de beaucoup que la disposition de ces prétendus cours soit régulière, élégante et soignée comme nos squares modernes. Ce sont plutôt de petites places obscures, quelquefois formant impasse, d'autres fois servant de passage d'un quartier à l'autre. Mais peu fréquentées, habitées alentour par des gens de mince fortune et de mince condition, le plus souvent par des gens du peuple, des ouvriers ou des blanchisseuses qui étendent leur linge sur des cordes tendues en travers du chemin. Inconvénient que le passant supporte avec beaucoup de tolérance, car son droit de passage est parfois toléré aussi plutôt que fondé. Malheur à l'artiste pauvre, réduit à ouvrir les fenêtres de son cabinet sur ses recoins tranquilles, où la vie prolétaire, avec ses habitudes rustiques, bruyantes et un peu malpropres, reparaît tout à coup au sein de Venise, à deux pas des larges canaux et des somptueux édifices. Malheur à lui, si le silence est nécessaire à ses méditations, car de l'aube à la nuit, un bruit d'enfants, de poules et de chiens, jouant et criant ensemble dans cette enceinte resserrée, les interminables babillages des femmes rassemblées sur le seuil des portes, et les chansons des travailleurs dans leurs ateliers, ne lui laisseront pas un instant de repos. Heureux encore quand l'improvisatore ne vient pas hurler ses sonnets et ses dithyrambes jusqu'à ce qu'il ait recueilli un sou de chaque fenêtre, ou quand Brighella n'établit pas sa baraque au milieu de la cour. Patient à recommencer son dialogue avec l'avocato, il tedesco et il diavolo, jusqu'à ce qu'il ait épuisé en vain sa faconde gratis devant les enfants des guenillés. Heureux spectateurs qui ne se font scrupule d'écouter et de regarder sans avoir un liard dans leur poche. Mais la nuit, quand tout est rentré dans le silence et que la lune paisible éclaire et blanchit les dalles, cet assemblage de maisons de toutes les époques, accolées les unes aux autres, sans symétrie et sans prétention, coupées par de fortes ombres, pleines de mystères dans leurs enfoncements et de grâces instinctives dans leurs bizarreries, offre un désordre infiniment pittoresque. Tout devient beau sous les regards de la lune. Le moindre effet d'architecture s'agrandit et prend du caractère. Le moindre balcon festonné de vignes se donne des airs de roman espagnol, et vous remplit l'imagination de ces belles aventures dites de cap et d'épée. Le ciel limpide, où se baignent, au-dessus de ce cadre sombre et anguleux, les pâles coupoles des édifices lointains, verse sur les moindres détails du tableau une couleur vague et harmonieuse qui porte à des rêveries sans fin. C'est dans le Corte Minelli, près l'église San Fanta, qu'Anzoletto se trouva au moment où les horloges se renvoyaient l'une à l'autre le coup de 2 heures après minuit. Un instinct secret avait conduit ses pas vers la demeure d'une personne dont le nom et l'image ne s'étaient pas présentés à lui depuis le coucher du soleil. À peine était-il rentré dans cette cour qu'il entendit une voix douce l'appeler bien bas par les dernières syllabes de son nom. Et, levant la tête, il vit une légère silhouette se dessiner sur une des plus misérables terrasses de l'enceinte. Un instant après, la porte de cette masure s'ouvrit, et Consuelo, en jupe d'indienne et le corsage enveloppé d'une vieille mante de soie noire qui avait servi jadis de parure à sa mère, vint lui tendre une main, tandis qu'elle posait de l'autre un doigt sur ses lèvres pour lui recommander le silence. Ils montèrent sur la pointe du pied et, à tâtons, l'escalier de bois, tournant et délabré, qui conduisait jusque sur le toit. Et quand ils furent assis sur la terrasse, ils commencèrent un de ces longs chuchotements entrecoupés de baisers que chaque nuit on entend murmurer sur les toits, comme des brises mystérieuses ou comme un babillage d'esprits aériens voltigeant par couples dans la brume autour des cheminées bizarres qui coiffent de leurs nombreux turbans rouges toutes les maisons de Venise. « Comment, ma pauvre amie ? » dit Anzoletto. « Tu m'as attendu jusqu'à présent ? Ne m'avais-tu pas dit que tu viendrais me rendre compte de ta soirée ? Eh bien, dis-moi donc si tu as bien chanté, si tu as fait plaisir, si on t'a applaudi, si on t'a signifié ton engagement. Et toi, ma bonne Consuelo, dit Anzoletto, pénétré tout à coup de remords en voyant la confiance et la douceur de cette pauvre fille. Dis-moi donc si tu t'es impatienté de ma longue absence, si tu n'es pas bien fatigué de m'attendre ainsi, si tu n'as pas eu bien froid sur cette terrasse, si tu as songé à souper, si tu ne m'en veux pas de venir si tard, si tu as été inquiète, si tu m'accusais. Rien de tout cela, répondit-elle en lui jetant ses bras au cou avec candeur. Si je me suis impatientée, ce n'est pas contre toi. Si je suis fatiguée, si j'ai eu froid, je ne m'en ressens plus depuis que tu es là. Si j'ai soupé, je ne m'en souviens pas. Si je t'ai accusée, de quoi t'aurais-je accusée? Si j'ai été inquiète, pourquoi l'aurais-je été? Si je t'en veux, jamais. Tu es un ange, toi, dit Anzoletto en l'embrassant. Ah, ma consolation, que les autres cœurs sont perfides et durs. Hélas, qu'est-il donc arrivé? Quel mal a-t-on fait là-bas, au fils de mon âme? Dit Consuelo, mêlant au gentil dialecte vénitien les métaphores hardies et passionnées de sa langue natale. Anzoletto raconta tout ce qui lui était arrivé, même ses galanteries auprès de la Corilla, et surtout les agaceries qu'il en avait reçues. Seulement, il raconta les choses d'une certaine façon, disant tout ce qui ne pouvait affliger Consuelo, puisque, de fait et d'intention, il lui avait été fidèle, et c'était presque toute la vérité. Mais il y a une centième partie de vérité que nulle enquête judiciaire n'a jamais éclairée, que nul client n'a jamais confessée à son avocat, et que nul arrêt n'a jamais atteinte qu'au hasard, parce que dans ce peu de faits ou d'intentions qui restent mystérieux, est la cause tout entière, le motif, le but, le mot, enfin, de ces grands procès toujours si mal plaidés et toujours si mal jugés, quelle que soit la passion des orateurs et la froideur des magistrats. Pour en revenir à Anzoletto, il n'est pas besoin de dire quelle peccadille il passa sous silence, quelles émotions ardentes devant le public il traduisit à sa manière, et quelles palpitations étouffées dans la gondole il oublia de mentionner. Je crois même qu'il ne parla point du tout de la gondole, et qu'il rapporta ses flatteries à la cantatrice comme les adroites moqueries au moyen desquelles il avait échappé, sans l'irriter, aux périlleuses avances dont elle l'avait accablé. Pourquoi, ne voulant pas et ne pouvant pas dire le fond des choses, c'est-à-dire la puissance des tentations qu'il avait surmontées par prudence et par esprit de conduite, pourquoi, dites-vous, chère lectrice, ce jeune fourbe allait-il risquer d'éveiller la jalousie de Consuelo? Vous me le demandez, madame. Dites-moi donc, si vous n'avez pas pour habitude de compter à l'amant, je veux dire à l'époux de votre choix, tous les hommages dont vous avez été entouré par les autres, tous les aspirants que vous avez éconduits, tous les rivaux que vous avez sacrifiés, non seulement avant l'hymen, mais après, mais tous les jours de bal, mais hier et ce matin encore. Voyons, madame, si vous êtes belle, comme je me complais à le croire, je gage ma tête que vous ne faites point autrement qu'Anzoletto, non pour vous faire valoir, non pour faire souffrir une âme jalouse, non pour enorgueillir un cœur trop orgueilleux déjà de vos préférences, mais parce qu'il est doux d'avoir près de soi quelqu'un à qui l'on puisse raconter ces choses-là, tout en ayant l'air d'accomplir un devoir et de se confesser en se vantant au confesseur. Seulement, madame, vous ne vous confessez que de presque tout. Il n'y a qu'un tout petit rien dont vous ne parlez jamais. C'est le regard, c'est le sourire qui ont provoqué l'impertinente déclaration du présomptueux dont vous vous plaignez. Ce sourire, ce regard, ce rien, c'est précisément la gondole dont Anzoletto, heureux de repasser tout haut dans sa mémoire les enivrements de la soirée, oublia de parler à Consuelo. Heureusement pour la petite Espagnole, elle ne savait point encore ce que c'est que la jalousie. Ce noir et amer sentiment ne vient qu'aux âmes qui ont beaucoup souffert. Et jusque-là, Consuelo était aussi heureuse de son amour qu'elle était bonne. La seule circonstance qui fit en elle une impression profonde, ce fut l'oracle, flatteur et sévère, prononcé par son respectable maître, le professeur Porpora, sur la tête adorée d'Anzoletto. Elle fit répéter à ce dernier les expressions dont le maître s'était servi. Et après qu'il les lui eut exactement rapportées, elle y pensa longtemps et demeura silencieuse. « Consuelina, lui dit Anzoletto, sans trop s'apercevoir de sa rêverie. « Je t'avoue que l'air est extrêmement frais. Ne crains-tu pas de t'enrhumer ? Songe, ma chérie, que notre avenir repose sur ta voix encore plus que sur la mienne. »« Mais je ne m'enrhume jamais, » répondit-elle. « Mais toi, tu es si peu vêtue avec tes beaux habits. Tiens, enveloppe-toi de ma mantille. » « Que veux-tu que je fasse de ce pauvre morceau de taffetas percé à jour ? J'aimerais bien mieux me mettre à couvert une demi-heure dans ta chambre. »« Je le veux bien, » dit Consuelo. « Mais alors il ne faudra pas parler, car les voisins pourraient nous entendre, et ils nous blâmeraient. Ils ne sont pas méchants, ils voient nos amours sans trop me tourmenter, parce qu'ils savent bien que jamais tu n'entres chez moi la nuit. Tu ferais mieux d'aller dormir chez toi. » « Impossible, on ne m'ouvrira qu'au jour, et j'ai encore 3 heures à grelotter. Tiens, mes dents claquent dans ma bouche. »« En ce cas, viens, » dit Consuelo en se levant. « Je t'enfermerai dans ma chambre, et je reviendrai sur la terrasse pour que, si quelqu'un nous observe, il voit bien que je ne fais pas de scandale. » Elle le conduisit en effet dans sa chambre. C'était une assez grande pièce, délabrée, où les fleurs peintes à fresque sur les murs reparaissaient çà et là sous une seconde peinture encore plus grossière et déjà presque aussi dégradée. Un grand bois de lit carré avec une paillasse d'algues marines et une couverture d'indienne piquée fort propre, mais rapetassée en 1000 endroits avec des morceaux de toutes couleurs, une chaise de paille, une petite table, une guitare fort ancienne et un Christ de filigrane. Unique richesse que sa mère lui avait laissée. Une petite épinette et un gros tas de vieilles musiques rongées des vers que le professeur Porpora avait la générosité de lui prêter. Tel était l'ameublement de la jeune artiste, fille d'une pauvre bohémienne, élève d'un grand maître et amoureuse d'un bel aventurier. Comme il n'y avait qu'une chaise et que la table était couverte de musique, il n'y avait qu'un siège pour Anzoletto. C'était le lit, et il s'en accommoda sans façon. À peine se fut-il assis sur le bord, que la fatigue s'emparant de lui, il laissa tomber sa tête sur un gros coussin de laine qui servait d'oreiller, en disant « Oh, ma chère petite femme, je donnerais en cet instant tout ce qui me reste d'années à vivre pour 1 heure de bon sommeil. » Et tous les trésors de l'univers pour un bout de cette couverture sur mes jambes. Je n'ai jamais eu si froid que dans ces maudits habits, et le malaise de cette insomnie me donne le frisson de la fièvre. » Consuelo hésita un instant. Orpheline et seule au monde à 18 ans, elle ne devait compte qu'à Dieu de ses actions. Croyant à la promesse d'Anzoletto comme à la parole de l'Évangile, elle ne se croyait menacée ni de son dégoût, ni de son abandon en cédant à tous ses désirs. Mais un sentiment de pudeur, qu'Anzoletto n'avait jamais ni combattu ni altéré en elle, lui fit trouver sa demande un peu grossière. Elle s'approcha de lui et lui toucha la main. Cette main était bien froide, en effet, et Anzoletto, prenant celle de Consuelo, la porta à son front qui était brûlant. « Tu es malade !» lui dit-elle, saisie d'une sollicitude qui fit taire toutes les autres considérations. « Eh bien, dors 1 heure sur ce lit. » Anzoletto ne se le fit pas dire 2 fois. « Bonne comme Dieu même » murmura-t-il en s'étendant sur le matelas d'algues marines. Consuelo l'entoura de sa couverture. Elle alla prendre dans un coin quelques pauvres hardes qui lui restaient et lui en couvrit les pieds. Anzoletto, lui dit-elle à voix basse, tout en remplissant ce soin maternel. Ce lit où tu vas dormir, c'est celui où j'ai dormi avec ma mère les dernières années de sa vie. C'est celui où je l'ai vu mourir, où je l'ai enveloppé de son drap mortuaire, où j'ai veillé sur son corps en priant et en pleurant, jusqu'à ce que la barque des morts soit venue me l'ôter pour toujours. Eh bien, je vais te dire maintenant ce qu'elle m'a fait promettre à sa dernière heure. « Consuelo, m'a-t-elle dit, jure-moi sur le Christ qu'Anzoletto ne prendra pas ma place dans ce lit avant de s'être marié avec toi devant un prêtre. » « Et tu as juré ?»« Et j'ai juré. Mais en te laissant dormir ici pour la première fois, ce n'est pas la place de ma mère que je te donne, c'est la mienne. » « Et toi, pauvre fille, tu ne dormiras donc pas ?» reprit Anzoletto en se relevant à demi par un violent effort. « Ah, je suis un lâche, je m'en vais dormir dans la rue. » « Non, dit Consuelo en le repoussant sur le coussin avec une douce violence. « Tu es malade, et je ne le suis pas. Ma mère, qui est morte en bonne catholique et qui est dans le ciel, nous voit à toute heure. Elle sait que tu lui as tenu la promesse que tu lui avais faite de ne pas m'abandonner. Elle sait aussi que notre amour est aussi honnête depuis sa mort qu'il l'a été de son vivant. Elle voit qu'en ce moment, je ne fais et je ne pense rien de mal. Que son âme repose dans le Seigneur. » Ici, Consuelo fit un grand signe de croix. Anzoletto était déjà endormi. « Je vais dire mon chapelet là-haut sur la terrasse pour que tu n'aies pas la fièvre, » ajouta Consuelo en s'éloignant. « Bonne comme Dieu !» répéta faiblement Anzoletto. Et il ne s'aperçut seulement pas que sa fiancée le laissait seul. Elle alla, en effet, dire son chapelet sur le toit. Puis elle revint pour s'assurer qu'il n'était pas plus malade, et le voyant dormir paisiblement, elle contempla longtemps avec recueillement son beau visage pâle éclairé par la lune. Et puis, ne voulant pas céder au sommeil elle-même, et se rappelant que les émotions de la soirée lui avaient fait négliger son travail, elle ralluma sa lampe, s'assit devant sa petite table, et nota un essai de composition que maître Porpora lui avait demandé pour le jour suivant. Chapitre 6. Le comte Giustiniani, malgré son détachement philosophique et de nouvelles amours dont la Corilla feignait assez maladroitement d'être jalouse, n'était pas cependant aussi insensible aux insolents caprices de cette folle maîtresse qu'il s'efforçait de le paraître. Bon, faible et frivole, Giustiniani n'était roué que par ton et par position sociale. Il ne pouvait s'empêcher de souffrir au fond de son cœur de l'ingratitude avec laquelle cette fille avait répondu à sa générosité. Et d'ailleurs, quoiqu'il fût à cette époque, à Venise aussi bien qu'à Paris, de la dernière inconvenance de montrer de la jalousie, l'orgueil italien se révoltait contre le rôle ridicule et misérable que la Corilla lui faisait jouer. Donc, ce même soir où Anzoletto avait brillé au palais de Giustiniani, le comte, après avoir agréablement plaisanté avec son ami Barberigo sur les espiègleries de sa maîtresse, dès qu'il vit ses salons déserts et les flambeaux éteints, prit son manteau et son épée, et, pour en avoir le cœur net, courut au palais qu'habitait la Corilla. Quand il se fut assuré qu'elle était bien seule, ne se trouvant pas encore tranquille, il entama la conversation à voix basse avec le barcarolle qui était en train de remiser la gondole de la prima donna sous la voûte destinée à cet usage. Moyennant quelques sequins, il le fit parler, et se convainquit bientôt qu'il ne s'était pas trompé, en supposant que la Corilla avait pris un compagnon de route dans sa gondole. Mais il lui fut impossible de savoir qui était ce compagnon. Le gondolier ne le savait pas. Bien qu'il eût vu 100 fois Anzoletto aux alentours du théâtre et du palais Giustiniani, il ne l'avait pas reconnue dans l'ombre, sous l'habit noir et avec de la poudre. Ce mystère impénétrable acheva de donner de l'humeur au comte. Il se fut consolé en persiflant son rival, seule vengeance de bon goût, mais aussi cruelle dans les temps de parade que le meurtre l'est aux époques de passion sérieuse. Il ne dormit pas. Et avant l'heure où Porpora commençait son cours de musique au conservatoire des filles pauvres, il s'achemina vers la Scuola di Mendicanti, dans la salle où devaient se rassembler les jeunes élèves. La position du comte à l'égard du docte professeur avait beaucoup changé depuis quelques années. Giustiniani n'était plus l'antagoniste musical de Porpora, mais son associé, et son chef en quelque sorte. Il avait fait des dons considérables à l'établissement que dirigeait ce savant maître, et par reconnaissance, on lui en avait donné la direction suprême. Ces deux amis vivaient donc désormais en aussi bonne intelligence que pouvait le permettre l'intolérance du professeur à l'égard de la musique à la mode. Intolérance qui, cependant, était forcée de s'adoucir à la vue des encouragements que le comte donnait de ses soins et de sa bourse à l'enseignement et à la propagation de la musique sérieuse. En outre, il avait fait représenter à San Samuel un opéra que ce maître venait de composer. « Mon cher maître, lui dit Giustiniani en l'attirant à l'écart, il faut que non seulement vous vous décidiez à vous laisser enlever pour le théâtre une de vos élèves, mais il faut encore que vous m'indiquiez celle qui vous paraîtra la plus propre à remplacer la corilla. Cette cantatrice est fatiguée, sa voix se perd, ses caprices nous ruinent, le public est bientôt dégoûté d'elle. Vraiment, nous devons songer à lui trouver une succeditrice. » Pardon, cher lecteur, ceci se dit en italien, et le comte ne faisait point un néologisme. « Je n'ai pas ce qu'il vous faut, » répliqua sèchement Porpora. « Eh quoi, maître ? » s'écria le comte. « Allez-vous retomber dans vos humeurs noires ? Est-ce tout de bon qu'après tant de sacrifices et de dévouement de ma part pour encourager votre œuvre musicale, vous vous refusez à la moindre obligeance quand je réclame votre aide et vos conseils pour la mienne ? Je n'en ai plus de droit, comte, répondit le professeur. Et ce que je viens de vous dire est la vérité, dite par un ami, et avec le désir de vous obliger. Je n'ai point dans mon école de chant une seule personne capable de vous remplacer la corilla. Je ne fais pas plus de cas d'elle qu'il ne faut, mais en déclarant que le talent de cette fille n'a aucune valeur solide à mes yeux, je suis forcé de reconnaître qu'elle possède un savoir-faire, une habitude, une facilité et une communication établie avec les sens du public, qui ne s'acquiert qu'avec des années de pratique, et que n'auront pas de longtemps d'autres débutantes. « Cela est vrai, dit le comte, mais enfin, nous avons formé la corilla, nous l'avons vue commencer, nous l'avons faite accepter au public. Sa beauté a fait les trois quarts de son succès, et vous avez d'aussi charmantes personnes dans votre école. Vous ne nierez pas cela, mon maître. Voyons, confessez que la Clorinda est la plus belle créature de l'univers. Mais affectée, mais minaudière. » Mais insupportable. Et il est vrai que le public trouvera peut-être charmantes ces grimaces ridicules. Mais elle chante faux, elle n'a ni âme ni intelligence. Il est vrai que le public n'en a pas plus que d'oreilles. Mais elle n'a ni mémoire ni adresse, et elle ne se sauvera même pas du fiasco par le charlatanisme heureux qui réussit à tant de gens. En parlant ainsi, le professeur laissa tomber un regard involontaire sur Anzoletto, qui, à la faveur de son titre de favori du comte, et sous prétexte de venir lui parler, s'était glissé dans la classe et se tenait à peu de distance, l'oreille ouverte à la conversation. « N'importe, dit le comte sans faire attention à la malice rancunière du maître, je n'abandonne pas mon idée. Il y a longtemps que je n'ai entendu la Clorinda. Faisons-la venir, et avec elle cinq ou six autres, les plus jolies que l'on pourra trouver. » « Voyons, Anzoletto, » ajouta-t-il en riant, Te voilà assez bien équipé pour prendre l'air grave d'un jeune professeur. Entre dans le jardin et adresse-toi aux plus remarquables de ces jeunes beautés pour leur dire que nous les attendons ici, monsieur le professeur et moi. » Anzoletto obéit. Mais soit par malice, soit qu'il eussait vu, il amena les plus laides. Et c'est pour le coup que Jean-Jacques aurait pu s'écrier « La Sophia était borgne, la Catina était boiteuse !» Ce quiproquo fut pris en bonne part, et, après qu'on en eut ri sous cape, on renvoya ces demoiselles avertir celles de leurs compagnes que désigna le professeur. Un groupe charmant vint bientôt, avec la belle Clorinda au centre. « La magnifique chevelure !» dit le comte à l'oreille du professeur, en voyant passer près de lui les superbes tresses blondes de cette dernière. « Il y a beaucoup plus dessus que dedans, cette tête !» répondit le rude censeur sans daigner baisser la voix. Après une heure d'épreuve, le comte, n'y pouvant plus tenir, se retira consterné, en donnant des éloges pleins de grâce à ses demoiselles et en disant tout bas au professeur « Il ne faut point songer à ces perruches. » Si votre seigneurie illustrissime daignait me permettre de dire un mot sur ce qui la préoccupe, articula doucement Anzoletto à l'oreille du comte en descendant l'escalier. « Parle !» reprit le comte. « Connaîtrais-tu cette merveille que nous cherchons ?»« Oui, Excellence. »« Et au fond de quelle mer iras-tu pêcher cette perle fine ?»« Tout au fond de la classe, où le malin professeur Porpora la tient cachée les jours où vous passez votre bataillon féminin en revue. »« Quoi ? Est-il dans la scuola un diamant dont mes yeux n'aient jamais aperçu l'éclat ? Si maître Porpora m'a joué un pareil tour !» « Illustrissime, le diamant dont je parle ne fait pas partie de la scuola. C'est une pauvre fille qui vient seulement chanter dans les chœurs quand on a besoin d'elle, et à qui le professeur donne des leçons particulières par charité, et plus encore par amour de l'art. Il faut donc que cette pauvre fille ait des facultés extraordinaires, car le professeur n'est pas facile à contenter, et il n'est pas prodigue de son temps et de sa peine. » « L'ai-je entendue quelquefois, sans la connaître ?»« Votre seigneurie l'a entendue une fois, il y a bien longtemps, et lorsqu'elle n'était encore qu'un enfant. Aujourd'hui, c'est une grande jeune fille, forte, studieuse, savante comme le professeur, et capable de faire siffler la corilla le jour où elle chantera une phrase de trois mesures à côté d'elle sur le théâtre. »« Et ne chante-t-elle jamais en public ?» Le professeur ne lui a-t-il pas fait dire quelques motets aux grandes vêpres ? Autrefois, Excellence, le professeur se faisait une joie de l'entendre chanter à l'église. Mais depuis que les scolari, par jalousie et par vengeance, ont menacé de la faire chasser de la tribune si elle y repassait à côté d'elle... C'est donc une fille de mauvaise vie ? Oh, Dieu vivant, Excellence, c'est une vierge aussi pure que la porte du ciel. Mais elle est pauvre et de basse extraction. Comme moi, Excellence, que vous daignez cependant élever jusqu'à vous par vos bontés. Et ces méchantes harpies ont menacé le professeur de se plaindre à vous de l'infraction qu'il commettait contre le règlement en introduisant dans leur classe une élève qui n'en fait point partie. Où pourrais-je donc entendre cette merveille ? Que votre seigneurie donne l'ordre au professeur de la faire chanter devant elle. Elle pourra juger de sa voix et de la grandeur de son talent. Ton assurance me donne envie de te croire. Tu dis donc que je l'ai déjà entendue, il y a longtemps. J'ai beau chercher à me rappeler. Dans l'église des Mendicanti, un jour de répétition générale, le Salve Regina de Pergolèse. Oh, j'y suis ! S'écria le comte. Une voix, un accent, une intelligence admirable. Et elle n'avait que 14 ans, monseigneur. C'était un enfant. Oui, mais je crois me rappeler qu'elle n'était pas jolie. Pas jolie, Excellence ? Dit Anzoletto tout interdit. Ne s'appelait-elle pas... Oui, c'était une Espagnole, un nom bizarre. Consuelo, monseigneur. C'est cela. Tu voulais l'épouser alors, et vos amours nous ont fait rire, le professeur et moi. Consuelo, c'est bien elle, la favorite du professeur. Une fille bien intelligente, mais bien laide. Bien laide, répéta Anzoletto stupéfait. Eh oui, mon enfant, tu en es donc toujours épris? C'est mon ami, illustrissime. Ami veut dire chez nous également sœur et amante. Laquelle des deux? Sœur, mon maître. Eh bien, je puis, sans te faire de peine, te dire ce que j'en pense. Ton idée n'a pas le sens commun. Pour remplacer la Corilla, il faut un ange de beauté. Et ta Consuelo, je m'en souviens bien maintenant, est plus que laide, elle est affreuse. Le comte fut abordé en cet instant par un de ses amis qui l'emmena d'un autre côté, et il laissa Anzoletto, consterné, se répéter en soupirant « Elle est affreuse !» Chapitre 7. Il vous paraîtra peut-être étonnant, et il est pourtant très certain, cher lecteur, que jamais Anzoletto n'avait eu d'opinion sur la beauté ou la laideur de Consuelo. Consuelo était un être tellement isolé, tellement ignoré dans Venise, que nul n'avait jamais songé à chercher si, à travers ce voile d'oubli et d'obscurité, l'intelligence et la bonté avaient fini par se montrer sous une forme agréable ou insignifiante. Porpora, qui n'avait plus de sens que pour l'art, n'avait vu en elle que l'artiste. Les voisins de la Corte Minelli voyaient, sans se scandaliser, ses innocentes amours avec Anzoletto. À Venise, on n'est point féroce sur ce chapitre-là. Il lui prédisait bien parfois qu'elle serait malheureuse avec ce garçon sans aveu et sans état, et il lui conseillait de chercher plutôt à s'établir avec quelque honnête et paisible ouvrier. Mais comme elle leur répondait qu'étant sans famille et sans appui elle-même, Anzoletto lui convenait parfaitement. Comme depuis 6 ans il ne s'était pas écoulé un seul jour sans qu'on les vît ensemble, ne cherchant point le mystère et ne se querellant jamais, on avait fini par s'habituer à leur union libre et indissoluble. Aucun voisin ne s'était jamais avisé de faire la cour à l'amica d'Anzoletto. Était-ce seulement à cause des engagements qu'on lui supposait, ou bien était-ce à cause de sa misère? Ou bien encore, n'était-ce pas que sa personne n'avait exercé de séduction sur aucun d'eux? La dernière hypothèse est fort vraisemblable. Cependant, chacun sait que de 12 à 14 ans, les jeunes filles sont généralement maigres, décontenancées, sans harmonie dans les traits, dans les proportions, dans les mouvements. Vers 15 ans, elles se refont. C'est en français vulgaire l'expression des matrones. Et celle qui paraissait affreuse naguère reparaît, après ce court travail de transformation, sinon belle, du moins agréable. On a remarqué même qu'il n'était pas avantageux à l'avenir d'une fillette d'être jolie de trop bonne heure. Consuelo, ayant recueilli comme les autres le bénéfice de l'adolescence, on avait cessé de dire qu'elle était laide. Et le fait est qu'elle ne l'était plus. Seulement, comme elle n'était ni dauphine ni infante, elle n'avait point eu de courtisans autour d'elle pour proclamer que la royale progéniture embellissait à vue d'œil. Et comme elle n'avait pas l'appui de tendres sollicitudes pour s'inquiéter de son avenir, personne ne prenait la peine de dire à Anzoletto « Ta fiancée ne te fera point rougir devant le monde ». Si bien qu'Anzoletto l'avait entendu traiter de laideron à l'âge où ce reproche n'avait pour lui ni sens ni valeur. Et depuis qu'on ne disait plus ni mal ni bien de la figure de Consuelo, il avait oublié de s'en préoccuper. Sa vanité avait pris un autre essor. Il rêvait le théâtre et la célébrité, et n'avait pas le temps de songer à faire étalage de ses conquêtes. Et puis, la grosse part de curiosité qui entre dans les désirs de la première jeunesse était assouvi chez lui. J'ai dit qu'à 18 ans, il n'avait plus rien à apprendre. À 22 ans, il était quasi blasé. Et à 22 ans, comme à 18, son attachement pour Consuelo était aussi tranquille, en dépit de quelques chastes baisers pris sans trouble et rendus sans honte, qu'il l'avait été jusque-là. Pour qu'on ne s'étonne pas trop de ce calme et de cette vertu de la part d'un jeune homme qui ne s'en piquait point ailleurs, il faut faire observer que la grande liberté dans laquelle nos adolescents vivaient au commencement de cette histoire s'était modifiée et peu à peu restreinte avec le temps. Consuelo avait près de 16 ans et menait encore une vie un peu vagabonde, sortant du conservatoire toute seule pour aller répéter sa leçon et manger son riz sur les degrés de la piazzetta avec Anzoletto. Lorsque sa mère, épuisée de fatigue, cessa de chanter le soir dans les cafés, une guitare à la main et une sébile devant elle. La pauvre créature se retira dans un des plus misérables greniers de la Corte Minelli, pour s'y éteindre à petit feu sur un grabat. Alors, la bonne Consuelo, ne voulant plus la quitter, changea tout à fait de genre de vie. Hormis les heures où le professeur daignait lui donner sa leçon, elle travaillait, soit à l'aiguille, soit au contrepoint, toujours auprès du chevet de cette mère impérieuse et désespérée, qu'il avait cruellement maltraitée dans son enfance, et qui maintenant lui donnait l'affreux spectacle d'une agonie sans courage et sans vertu. La piété filiale et le dévouement tranquille de Consuelo ne se démentirent pas un seul instant. Joie de l'enfance, liberté, vie errante, amour même, tout fut sacrifié sans amertume et sans hésitation. Anzoletto s'en plaignit vivement, et, voyant ses reproches inutiles, résolut d'oublier et de se distraire. Mais ce lui fut impossible. Anzoletto n'était pas assidu au travail comme Consuelo. Il prenait vite et mal les mauvaises leçons que son professeur, pour gagner le salaire promis par Giustiniani, lui donnait tout aussi mal et aussi vite. Cela était fort heureux pour Anzoletto, en qui les prodigalités de la nature réparaient aussi bien que possible le temps perdu et les effets d'un mauvais enseignement. Mais il en résultait bien des heures d'oisiveté, durant lesquelles la société fidèle et enjouée de Consuelo lui manquait horriblement. Il tenta de s'adonner aux passions de son âge et de sa classe. Il fréquenta les cabarets et joua avec les polissons, les petites gratifications que lui octroyait de temps en temps le comte Giustiniani. Cette vie lui plut 2 ou 3 semaines, au bout desquelles il trouva que son bien-être, sa santé et sa voix s'altéraient sensiblement, que le far niente n'était pas le désordre et que le désordre n'était pas son élément. Préservé des mauvaises passions par l'amour bien entendu de soi-même, il se retira dans la solitude et s'efforça d'étudier. Mais cette solitude lui sembla effrayante de tristesse et de difficulté. Il s'aperçut alors que Consuelo était aussi nécessaire à son talent qu'à son bonheur. Studieuse et persévérante, vivant dans la musique comme l'oiseau dans l'air et le poisson dans l'eau, aimant à vaincre les difficultés sans se rendre plus de raison de l'importance de cette victoire qu'il n'appartient à un enfant, mais poussé fatalement à combattre les obstacles et à pénétrer les mystères de l'art, par cet invincible instinct qui fait que le germe des plantes cherche à percer le sein de la terre et à se lancer vers le jour, Consuelo avait une de ces rares et bienheureuses organisations pour lesquelles le travail est une jouissance, un repos véritable, un état normal, nécessaire, et pour qui l'inaction serait une fatigue, un dépérissement, un état maladif, si l'inaction était possible à de telles natures. Mais elles ne la connaissent pas. Dans une oisiveté apparente, elles travaillent encore. Leur rêverie n'est point vague, c'est une méditation. Quand on les voit agir, on croit qu'elles créent, tandis qu'elle manifeste seulement une création récente. Tu me diras, cher lecteur, que tu n'as guère connu de ces organisations exceptionnelles. Je te répondrai, lecteur bien-aimé, que je n'en ai connu qu'une seule. Et si, suis-je plus vieux que toi ? Que ne puis-je te dire que j'ai analysé sur mon pauvre cerveau le divin mystère de cette activité intellectuelle ? Mais hélas, ami lecteur, ce n'est ni toi ni moi qui étudierons sur nous-mêmes. Consuelo travaillait toujours, en s'amusant toujours. Elle s'obstinait des heures entières à vaincre, soit par le chant libre et capricieux, soit par la lecture musicale, des difficultés qui eussent rebuté Anzoletto livré à lui-même. Et sans dessein prémédité, sans aucune idée d'émulation, elle le forçait à la suivre, à la seconder, à la comprendre et à lui répondre, tantôt au milieu de ses éclats de rires enfantins, tantôt emporté avec lui par cette fantasia poétique et créatrice que connaissent les organisations populaires en Espagne et en Italie. Depuis plusieurs années qu'il s'était imprégné du génie de Consuelo, le buvant à sa source sans le comprendre et se l'appropriant sans s'en apercevoir, Anzoletto, retenu d'ailleurs par sa paresse, était devenu en musique un étrange composé de savoir et d'ignorance, d'inspiration et de frivolité, de puissance et de gaucherie, d'audace et de faiblesse, qui avait plongé, à la dernière audition, le Porpora dans un dédale de méditations et de conjectures. Ce maître ne savait point le secret de toutes ces richesses dérobées à Consuelo, car, ayant une fois sévèrement grondé la petite de son intimité avec ce grand vaurien, ils ne les avaient jamais revus ensemble. Consuelo, qui tenait à conserver les bonnes grâces de son professeur, avait eu soin de ne jamais se montrer devant lui en compagnie d'Anzoletto. Et du plus loin qu'elle l'apercevait dans la rue, si Anzoletto était avec elle, leste comme un jeune chat, elle se cachait derrière une colonne ou se blottissait dans une gondole. Ces précautions continuèrent lorsque Consuelo, devenu garde-malade, et Anzoletto ne pouvant plus supporter son absence, sentant la vie, l'espoir, l'inspiration et jusqu'au souffle lui manquer, revint partager sa vie sédentaire et affronter avec elle tous les soirs les âcretés et les emportements de la moribonde. Quelques mois avant d'en finir, cette malheureuse femme perdit l'énergie de ses souffrances et, vaincue par la piété de sa fille, sentit son âme s'ouvrir à de plus douces émotions. Elle s'habitua à recevoir les soins d'Anzoletto, qui, malgré son peu de vocation pour ce rôle de dévouement, s'habitua de son côté à une sorte de zèle enjoué et de douceur complaisante envers la faiblesse et la souffrance. Anzoletto avait le caractère égal et les manières bienveillantes. Sa persévérance auprès d'elle et de Consuelo gagna enfin son cœur, et à son heure dernière, elle leur fit jurer de ne se quitter jamais. Anzoletto le promit, et même il éprouva en cet instant solennel une sorte d'attendrissement sérieux qu'il ne connaissait pas encore. La mourante lui rendit cet engagement plus facile en lui disant « Qu'elle soit ton amie, ta sœur, ta maîtresse ou ta femme, puisqu'elle ne connaît que toi et n'a jamais voulu écouter que toi, ne l'abandonne pas. » Puis, croyant donner à sa fille un conseil bien habile et bien salutaire, sans trop songer s'il était réalisable ou non, elle lui avait fait jurer en particulier, ainsi qu'on l'a vu déjà, de ne jamais s'abandonner à son amant avant la consécration religieuse du mariage. Consuelo l'avait juré, sans prévoir les obstacles que le caractère indépendant et irréligieux d'Anzoletto pourrait apporter à ce projet. Devenue orpheline, Consuelo avait continué de travailler à l'aiguille pour vivre dans le présent et d'étudier la musique pour s'associer à l'avenir d'Anzoletto. Depuis 2 ans qu'elle vivait seule dans son grenier, il avait continué à la voir tous les jours, sans éprouver pour elle aucune passion, et sans pouvoir en éprouver pour d'autres femmes, tant la douceur de son intimité et l'agrément de vivre auprès d'elle lui semblaient préférables à tout. Sans se rendre compte des hautes facultés de sa compagne, il avait acquis désormais assez de goût et de discernement pour savoir qu'elle avait plus de science et de moyens qu'aucune des cantatrices de San Samuel, et que la Corilla elle-même. À son affection d'habitude s'était donc joint l'espoir et presque la certitude d'une association d'intérêts qui rendrait leur existence profitable et brillante avec le temps. Consuelo n'avait guère coutume de penser à l'avenir. La prévoyance n'était point au nombre de ses occupations d'esprit. Elle eût encore cultivé la musique sans autre but que celui d'obéir à sa vocation. Et la communauté d'intérêts que la pratique de cet art devait établir entre elle et son amie n'avait pas d'autre sens pour elle que celui d'association de bonheur et d'affection. C'était donc sans l'en avertir qu'il avait conçu tout à coup l'espoir de hâter la réalisation de leurs rêves. Et en même temps que Giustiniani s'était préoccupé du remplacement de la Corilla, Anzoletto, devinant avec une rare sagacité la situation d'esprit de son patron, avait improvisé la proposition qu'il venait de lui faire. Mais la laideur de Consuelo, cet obstacle inattendu, étrange, invincible, si le comte ne se trompait pas, était venu jeter l'effroi et la consternation dans son âme. Aussi reprit-il le chemin de la Corte Minelli en s'arrêtant à chaque pas pour se représenter sous un nouveau jour l'image de son ami et pour répéter avec un point d'interrogation à chaque parole. « Pas jolie ? Bien laide ? Affreuse ? »